Radio Campus Montpellier 102.2. J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue sur Comics Discovery. Vous êtes sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2 et sur internet sur le Radio Campus Montpellier.fr pour le reste du monde. Salut à tous autour de la table. Salut James. Yo. On est en équipe un peu restreinte et enfin en équipe. Il y a des gens derrière nous en plus donc c'était une la première émission en public. Attention. Du coup, on va vous parler de comics comme d'habitude. Et comme vous l'entendez, je brave la maladie pour faire cette émission parce que contrairement à moi, Faye est encore plus malade, donc c'est pour ça qu'elle est pas là. Et moi, je vais essayer de pas trop mourir pendant l'émission. Respect. Salut Mathieu, ça va ? Bien, ça va bien. Mais toi, oui, tu survis, c'est bien. Oui. Tu as une heure à tenir, après c'est bon. Et nous avons le retour du fils prodigue. Pourquoi j'allais dire retour du fils prodigue ? Retour de Juni. Pourquoi fils prodigue ? Je ne sais pas. Ça va Juni ? Ça va, ça va. Je couvre la maladie aussi. Est-ce que tu as survécu à ta première émission radiophonique ? Ah ouais, c'était cool. Expérience. C'est trop sympa. Bah la preuve, je suis là. Hein. La preuve, il est de retour. Est-ce que tu t'es fait attaquer par des femmes à moitié nues dans la rue justement parce que tu as participé à l'émission ? Ah non, pas encore. Pas encore. Ah, ça va pas tarder à arriver. Ouais. Nous, on attend aussi. Ouais. On va commencer directement par les news. Allez, c'est parti. Ce générique est génial, on ne le dira jamais assez. Et pour cette première news, nous avons une invitée puisque nous sommes avec Lise de Casabulle. Salut Lise. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Salut Lise. Ça va bien. Alors, tu es avec nous parce qu'en fait, moi je voulais revenir un peu sur Angoulême qui arrive dans 2 semaines, je crois. Ouais, mm-hmm. Et comme pour les gens qui ne la connaissent pas, elle tient avec son compagnon une superbe chaîne YouTube où vous avez une régularité de fou. C'est tous les lundis, non ? Ou tous les, je sais plus quel jour Alors, c'était tous les mercredis et en fait, on a décidé de faire des vidéos plus longues du coup. Ah. On est passé à un rythme moins régulier, mais il y en a déjà plein sur la chaîne du coup. Du coup, et vous parlez de BD, de comics, de BD, de manga aussi, je sais plus. Tout à fait, oui. Comme tu l'as dit, pour le projet qu'on avait déjà fait ensemble, on parle de bande dessinée sous toutes ses formes. Ok, bah c'est... Et c'est super cool. Je sais pas pourquoi je prenais un ton interrogatif. Et j'avais envie qu'on décrypte un peu la liste des nominés d'Angoulême, et notamment celle des 20, parce que tu me disais que tu connaissais plus... parce qu'en fait, il y a eu deux listes. Une liste avec beaucoup plus de noms et une liste un peu plus restreinte où on sait à peu près les grands gagnants, on va dire. Voilà, donc en fait, Angoulême, chaque année, ils remettent, je crois, 5 ou 6 prix. Et le prix le plus brigué, on va dire, c'est le Fauve d'Or. Et en fait, donc, c'est vraiment l'auteur ou l'autrice, je sais pas si on dit ça comme ça, qui va être vraiment mis en lumière pendant toute l'année, quoi. Et donc, comment ça se passe ? D'abord, on dévoile une liste de à peu près 40 albums qui sont en liste pour recevoir le Fauve d'Or. Et en fait, à quelques semaines du festival, on va restreindre cette liste à 10 albums. Et donc, on a cette liste depuis aujourd'hui. Voilà. Et donc, on voulait un peu quand même revenir un peu sur les 40 albums. Enfin, il y en avait 40, j'en ai vu, c'est pas grave. Il y en avait 42. 42, ouais. Exactement. La précision même. Et du coup, il y avait pas mal de trucs. Il y avait notamment pas mal de comics. Je me souviens, je crois qu'il y avait ça. Saga, Tom, je sais plus combien. Effectivement. Il y avait aussi Lazarus, qui est un comic sorti chez Glénat Comics. Ouais, ça me fait un petit kiff. Du Marc Millar par Angoulême. Enfin, j'aime pas beaucoup Marc Millar. C'est tout pour ça. Il y avait Beach Planet aussi, le gros... Oui, il y avait Beach Planet, oui, c'est vrai. Le gros truc de Glénat qui est sorti en début d'année. Ouais, tout à fait. Et en franco-belge, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant et qui toi hypé? En franco-belge, alors moi il y a une BD dont j'avais déjà parlé sur Casabulle, il s'agit de Coquelicot d'Irak. Ouais. C'est vraiment une BD sur laquelle j'ai flashé. C'est Lewis Trondheim en fait qui est un gros habitué du festival, qui a raconté en fait l'histoire de sa femme qui est née en Irak. Enfin non, est-ce qu'elle y est née ? Bon bref, elle y a vécu en tout cas. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment adoré cet album. Pour moi, ça a été un gros coup de cœur et je l'aurais bien vu primer. Mais d'un autre côté, Prondem, pour ceux qui connaissent bien le milieu du franco-belge, c'est un mastodonte. Et du coup, je pense que c'est mieux de récompenser un plus petit auteur. Ok, des gens un peu moins connus. Ouais. Est-ce que tu avais un autre coup de cœur dans cette liste? Oui, tout à fait. Alors moi, on va sortir une vidéo en fait sur Angoulême là prochainement, sur les prix, les nominés. Et moi, il y en avait un sur lequel je misais beaucoup, mais qui n'a pas été retenu dans la liste des 10 derniers. C'est Kobané Calling. En fait, c'est une bande dessinée faite par un Italien, il me semble. Et en fait, ça raconte l'histoire tout simplement du quotidien dans l'enclave de Kobané. En fait, il faut savoir que le franco-belge est beaucoup, et d'ailleurs même le comics, est beaucoup utilisé pour faire du reportage, donc de la reportage en bande dessinée, et je trouve ça absolument génial. Je trouve que c'est un super mode d'expression, c'est super clair et tout, et ça permet vraiment de transmettre des émotions. Et c'est pour ça que Kobané Calling, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu énormément de bien, et j'aurais bien aimé qu'il soit primé. Ok, et on va peut-être passer à cette liste de 10 gagnants. Alors je les ai devant les yeux, donc je vais les énumérer, on va essayer d'en parler. Je sais qu'on n'a pas lu beaucoup, mais bon. Non. On va faire avec, hein. Alors il y a Ce qu'il faut de terre à l'homme de Martin Véron, donc c'est une outil de la franco-belge. Je ne me suis pas trop renseigné dessus, est-ce que tu as d'autres infos? Non, vraiment, me demande pas album par album, parce que d'accord, je pourrais pas te répondre. Okay. Vraiment, la sélection des 10 albums ne m'inspire pas du tout. Ok, bon, bah, on va parler que de celui qui t'inspire. Je pense que tu as fait une vidéo sur l'auteur. C'est Shangri-La de Mathieu Bablet, ouais, qui avait un petit côté SF qui a l'air assez sympathique. Ouais, Mathieu Bablet, c'est un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il fait beaucoup de trucs tout seul en mode roue libre. Et il a énormément de talent et en plus, il s'essaye à plein de genres. Il a fait même un album sur la mythologie et tout. Et là, il est dans la science-fiction. Et je trouve ça trop cool qu'il ait été nominé parce que c'est vraiment un auteur que je soutiens à fond. Par contre, Shangri-La, ça part un peu dans tous les sens et je t'avoue que pour l'instant, j'ai pas trop accroché, mais j'ai pas fini. Ok. Voilà. Bon, bah un truc que je voulais dire aussi, c'est que malgré tout dans la liste, attends, je les avais pas comptés, il y a des femmes, contrairement à l'année dernière où il y avait pas une femme. Donc ça c'est cool. Il y a un comics, c'est Patience de Daniel Close, mais bon, c'est un comics arty super bizarre. Pourquoi pas, je sais pas. Moi, j'ai regardé les images et j'irai jamais lire ça, mais bon. Pourquoi mais pas. Je veux pas avoir l'air snob, mais c'est un peu propre à Angoulême, ils ont un côté très élitiste. Et si tu veux retrouver un comics en grand prix, il faudra que ce soit un comics indépendant, arty, un peu bizarre quoi. Tu vas pas retrouver un truc ultra grand public que tout le monde a l'habitude de lire. Ouais, c'est pas Miss Marvel ou un truc comme ça. Deadpool, non, ça serait bien Deadpool Angoulême. Deadpool Angoulême, ouais, pourquoi pas. Miss Marvel avait été primée l'année dernière, mais elle avait pas reçu le Fauve d'Or. Oui, pas le Fauve d'Or, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, il y a deux mangas, enfin, il y a un manhwa, c'est ça que tu m'as dit, un manga coréen. Oui, c'est toi qui me l'as dit, excuse-moi. C'est vachement radiophonique quand je vous pointe ouais, du doigt. Quand tu pointes du doigt, vraiment. Ouais, donc c'était... merde, je l'ai perdu. Ouais, c'est... Non, ça c'est un manga, je crois. Il y avait Shisakobe, qui est un manga de Minataro. Le fait d'être malade, en plus de dire des noms japonais, c'est horrible. Alors, Moshazuki, voilà. Et il y avait un autre truc. C'est Mauvaise Fille de Anko, qui est un manhwa, voilà. Ah oui, d'accord. Donc voilà, bah, merci à toi, Lise, d'avoir voulu nous expliquer un peu Angoulême et tout ça. Parce que nous, à part les comics. Hein. Ouais, voilà, exactement. On s'en fout un peu des. Bah, merci à toi aussi. Puis retrouvez-moi sur Casabille. Hein. Exactement, je vous conseille à tout le monde d'aller sur cette chaîne YouTube qui est vraiment très très bien. Et allez voir sa vidéo sur Angoulême qui risque d'être sympathique. Ouais, elle sera cool. Voilà, bah, merci à toi. Au revoir. Allez, ciao. Bye. Et on va passer à une autre news. Et on va passer à un truc un peu plus... comment dire, un peu moins intelligent. On va parler de la CW. Et ça va être le deuxième univers partagé de la CW. Alors, est-ce que vous attendez la série Riverdale autour de la table? Absolument pas. Non plus. Moi non plus. D'ailleurs, on va partir, tu vas te débrouiller avec ta news. Ta news de merde. Alors, si vous aimez Arrow, Flash, Supergirl, sachez que j'en ai déjà parlé, il va y avoir Les Gens of Tomorrow, t'oublies à chaque fois Les Gens of Tomorrow. Oui, non, parce que les Gens de Tomorrow, c'est oubliable de ouf, mais bon, on s'en fout. Donc, il va y avoir une autre série qui va arriver qui s'appelle Riverdale, qui est tirée de l'univers de Archie Comics, où vous allez voir, ça se passe dans la ville de Riverdale, enfin, en plus dans le lycée, à mon avis. Oui. Vous allez voir Archie, tout ça, qui fait des trucs. Et à mon avis, ça a l'air. Il y a un côté mystérieux et tout, je crois qu'il y a ils ont rajouté du paranormal un peu. Et en fait, ils sont en train de penser à deux spin-offs de cette série. La série est même pas sortie, qui pense déjà à sortir d'autres trucs. Donc, il y a une série qui s'appelait Josie and the Pussycats. Johnny, tu m'as dit que tu connaissais. Vaguement, c'est ça balance un peu quand même. Ouais. Comment ça? Ça a des airs de j'aime les hologrammes pour ceux qui connaissent. Ouais, sans mais les avec hologrammes. Des filles afro, je crois. Alors en fait, de ce que j'en connais, je connais surtout le film surtout. Et en fait, ah, mais c'est un film. Il y a un film, aussi. Oh, putain, et de ce que j'en sais, c'est des filles qui décident de créer un groupe de rock en fait. Ouais. Et c'est un peu la même idée que Riverdale ou d'autres dessins animés ou comics qu'il y a pu y avoir, c'est-à-dire un groupe de gens, on va dire relativement normaux, pour leurs aventures de tous les jours. Ah ouais, un truc chiant quoi. Voilà, c'est du slice of life. Bah non, c'est pas forcément chiant, ça dépend des histoires. C'est genre, c'est comme Kiss un peu ou pas, non, c'est pas dans le nom. Mais ça va être des lycéennes. C'est un Kiss avec des lycéennes. Non, tu vois. On s'en fout alors. Et un autre truc qui va peut-être un peu plus vous étonner, c'est Sabrina l'apprentie sorcière. Puisque, oui, Sabrina l'apprentie sorcière, la sitcom médiocre que vous voyez sur KD2A quand vous étiez petit. Pas que. Ah non, mais si, c'était nul. Non, mais c'est-à-dire que c'est pas juste une sitcom. Il y a une bande dessinée. Et oui, une bande dessinée, c'est ce que j'étais en train de dire. Tu ne suis pas ce que je suis en train de dire. J'étais en train de dire que cette sitcom était tiré d'une bande dessinée de Archie Édition. C'est-à-dire que vous avez regardé le sitcom, c'est ça que vous dites? Oui, moi j'ai regardé le sitcom, j'ai pas lu la BD par contre. Et apparemment elle va arriver dans la série au milieu de... Non, elle va arriver dans Riverdale à partir du milieu de la saison et ils vont enchaîner avec une série télé. Donc est-ce que ça vous a... Enfin, la série Riverdale vous hype pas, donc comment les deux spin-offs peuvent vous hyper? Je me demande, mais c'est... Voilà quoi, c'était juste pour en parler. Voilà, on va passer à une autre news, un truc qui me hype encore moins. C'est le retour du fumeur le plus fameux de chez DC. Donc pour les gens qui n'auraient pas suivi, c'est le retour du grand John Constantine qui, après une série qui a été courtée sur NBC par manque d'audience et un court passage sur la série Arrow. Alors le plus british des exorcistes va revenir sous la forme d'un animé et ils vont même reprendre Matt Ryan pour faire la voix. Et donc ça va être des animés. De 8 minutes par épisode avec un graphisme un peu à la Young Justice et voilà, moi ça me hype absolument pas, mais bon. Pourquoi ça pas, si, hein. Pour le coup, oui. Et apparemment, parce que c'est Feige qui me l'a soufflé, Matt Ryan pourrait peut-être revenir dans Arrow. Donc Constantine encore dans Arrow. Est-ce que tu as lâché Arrow depuis Oh, il y a un moment, oui. Juste okay. Après, je crois, à l'arrivée de Constantine. Ah ouais. Ok, bon, on va passer à un truc qui va un peu plus hyper Juni. C'est le pitch qui a été dévoilé pour Thor. Alors est-ce que tu veux que je te lise le pitch? Je n'ai toujours pas lu ton calais, vas-y. Vas-y, alors c'est parti. Alors dans Thor Ragnarok, Thor est emprisonné à l'autre côté de l'univers sans son marteau et se retrouve dans une course contre la montre pour retourner à Asgard et stopper le Ragnarok. Donc le Ragnarok, pour les gens qui ne savent pas, c'est l'apocalypse chez Asgard. Chez Asgard, voilà. La destruction de son monde natal et la fin de la civilisation asgardienne entre les mains d'une nouvelle menace très puissante, l'inflexible Ella. Donc Ella, c'est la déesse de la mort, yep. Qui est jouée par Kate Blanchett, je crois. Mmh. Et normalement la fille de Loki. Ah ouais, ouais? C'est présent dans la mythologie d'origine et j'ai découvert récemment là en lisant une histoire que apparemment dans Marvel, enfin les comics, ils ont pris ça en compte aussi. Donc, je sais pas si Kate Blanchett va jouer à la fille de Loki, mais ça devrait être drôle. Ok, mais avant cela, il va devoir survivre au plus dangereux des concours de gladiateurs face à un allié et un collègue, Hulk. Voilà. Ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Mais vraiment en plus. Je suis pas encore convaincu. Oh, ils ont craqué complètement. Là. Ils m'ont déjà déçu avec les deux premiers. Ah ouais. Cela dit, mélanger Ragnarok et le Planet Hulk, pourquoi pas, hein. Ouais. Moi je sais pas, ça me... Si, moi je suis à fond. Taitor sur son marteau qui se joue un peu Unworthy Thor, ça me fait penser, un peu peut-être à cette série. Le truc le plus intéressant en fait dans ce projet, c'est surtout le choix du réalisateur. C'est-à-dire qu'ils ont pris Taika Waititi, ouais. Qui ne fait pas des t-shirts comme ça. Qui fait des films très atypiques, on va dire. Mon préféré de lui pour l'instant, c'est What We Do in the Shadows. C'est un film sur des. En fait, il faut imaginer ça un peu comme un. C'était quoi encore la série de télé-réalité avec un gros œil? Big Brother? Non, mince. Love Story? un peu dans ce style-là. Oui. En fait, c'est une caméra qui suit la vie de tous les jours de gens qui habitent dans un bâtiment, dans une maison. Ouais. Le truc, c'est que ce sont tous des vampires. Et ils sont tous un peu loufoques. Et ce réalisateur est juste génial. Et il prend toujours des concepts un peu bizarres. Et il fait des films absolument fabuleux avec. Et du coup, si Marvel le laisse faire, a priori, le film devrait être plutôt bon. Ouais, okay. En VF, bon. C'est Vampire en toute intimité. Il est sorti. Ouais. Oui, effectivement, je l'ai vu aussi. Oui, c'est vraiment, vraiment décalé. C'est vraiment curieux comme choix de réalisateur. Ouais, ça peut être assez surprenant le mélange. Il a déjà fait un court-métrage pour la promo du prochain Thor d'ailleurs. C'est Thor qui habite dans une maison avec un colocataire. C'est très drôle. Ouais. Ok. Et on va passer aux sorties de la semaine. Donc, encore une fois, il y a plein de sorties de tome 2, tome 3. Tome 2. Donc, je vais vite les énumérer. Vous avez essayé de réagir vite. Je vous dise pas, oui, c'est quoi ton avis sur essayer d'être un peu plus réactif, les mecs, quand même. C'est pas moi qui, c'est moi qui est malade. Hein. Donc, alors, il y a Punisher de Ennis et Dillon, tome 2. J'achète. T'achètes ? Pareil. Punisher de Greg Hooka, j'achète. Oh bah oui. Allez, pourquoi pas. C'est le tome 2 encore. Ah non, mais non, j'ai déjà, pardon. Tu l'as déjà ? Ouais, Daredevil de Ed Brubaker. J'ai pas eu d'écho de celui-là, mais sans Brubaker. Brubaker d'Hors de Ville, allez. Il y a Crossed Thermodite, le tome 9. Donc c'est Crossed, j'ai pas lu Crossed. Crossed, je crois que je me l'efface un jour. C'est un truc de zombies, d'infectés, pardon, complètement violent, complètement trash. C'est assez barré, par contre, c'est assez long. Donc, c'est sur la pile des trucs à faire. Ouais, il y a The Boys, tome 4. The Boys, c'est extraordinaire, c'est génial. J'aime pas trop le dessin. C'est le pitch en deux mots, donc c'est Garcenis au scénario et c'est Derek Robertson au dessin. Donc en fait, c'est le The Boys, le principe, c'est que c'est un groupe de tarés, en fait, engagé par le gouvernement pour contrôler les super-héros, parce que les super-héros font n'importe quoi. Dans cet univers-là, on reconnaît très facilement Batman, Superman, X-Men, les Vengeurs, tu les reconnais très bien. Il y a un perso qui est designé avec la tête de Simon Pegg. Oui, il y a un perso, effectivement, c'est le petit nouveau de l'équipe. Ouais. Et sauf que dans cet univers-là, les super-héros passent leur temps à se droguer, à baiser, à faire n'importe quoi, à abuser de leur pouvoir. C'est du Ennis, quoi. C'est ultra trash. Il y a quand même ça évolue. Après, il arrive à rebondir sur parce que le trash, ça va 5 minutes. Il arrive à rebondir sur un plot un petit peu plus compliqué. Et c'est un peu long, mais c'est très très bon. Ok, on va passer à Uncanny X-Force, tome 3. Harley Quinn, tome 4. Wonder Woman, Déesse de la Guerre, tome 3. J'ai lu le premier de Wonder Woman, Déesse de la Guerre. Donc c'est le run de merde. Comment il s'appelle ? Jean-Louis Merde. Voilà, Jean-Louis Merde. Non, je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé. Mais c'est pas mal. Daily Glass, tome 4, dont Juni nous a parlé la semaine dernière. Et Bloodshot Reborn, tome 3. Ah. Donc j'espère que ce sera mieux que le 2, parce que le 2 était nul. Le 1, enfin, il était nul. C'était basique. Ouais. Le 1 était bien, le 2 était moyen, le 3 peut-être qu'il sera bien, on verra. Et j'ai sélectionné deux comics qui ont l'air sympathiques. Alors c'est Zernot Lacus de Jungle Edition, qui est écrit par Eric Stephenson et dessiné par Simon Gain. Donc je ne sais pas ce qu'ils font, mais le pitch a l'air cool. Alors c'est une femme qui a décidé de se suicider parce qu'en fait elle entend plein de voix dans sa tête, et en fait elle comprend que c'est pas des voix dans sa tête, en fait c'est qu'elle est télépathe, et en fait elle entend, elle contrôle pas son pouvoir, et il y a un mec qui vient la voir et qui lui dit viens dans mon organisation, je vais t'apprendre à gérer tes pouvoirs. Et elle comprend que elle rentre dans l'organisation et elle comprend au fur et à mesure qu'ils utilisent pas leurs dons pour faire le bien. Et elle va devoir décider si elle fait le bien, si elle fait pas le, enfin, si elle quitte et qu'elle se met à faire le bien, si elle reste dans l'organisation, elle continue. Il n'y a jamais une organisation qui utilise les pouvoirs pour faire le bien. Ils arrêtent les gens. Donc ça avait l'air sympa, c'est une petite boîte d'édition, donc pourquoi pas. Et un autre truc, c'est Suzkeban Turbo Sisterhood qui sort chez Glénat Comics. C'est une création originale de Glénat Comics. C'est écrit par Sylvain, excusez-moi. À force de dire des trucs en anglais, Sylvain Rumberg et Victor Santos. Donc le pitch, c'est Shelby Buckman, une lycéenne new-yorkaise de 10 ans qui a connu un parcours sulfureux à la tête d'un gang de filles qui se fait appeler les Sukanban Turbo, référence à un mouvement radical de japonaise. Donc c'est une fille qui vend de la drogue, de la MDMA et des enfêtes à des hipsters de Brooklyn. Et en fait voilà, c'est un peu ce que disait du slice of life, mais sur une fille qui vend de la drogue et qui va dans des boîtes new-yorkaises et ce genre de trucs. Donc ça avait l'air plutôt sympa. Et ça avait l'air plutôt violent, donc pourquoi pas. Ah, puis s'il y a des hipsters qui se font défoncer, c'est forcément bien. Ouais. Donc voilà. Est-ce que ces deux titres vous donnent envie? Le deuxième a l'air curieux, ouais. Ouais, plutôt le deuxième. Ok. Et ben on va passer à la première pause musicale. Et j'ai voulu me faire un petit plaisir. J'avais envie de passer du Smashing Pumpkins. Et c'est Smashing Pumpkins 1979. J'ai rien dit. Très bien. Thank you. to the void that cries through you. Relive the pictures that have come to pass. For now we stand alone. The world is lost and blown, and we are flesh and blood, the sinner. Et décidément, c'est l'émission de la loose, puisque je me suis trompé de morceau. Donc je voulais mettre 1979, mais c'était quand même du Smashing Pumpkins. C'est bien. C'était The Beginning is the End of the End is the Beginning. Le titre est super long. C'est un titre qui est tiré de Batman Forever, et qui était dans un des trailers de Watchmen aussi. Donc c'est une chanson que j'aime bien quand même. Donc, voilà, on va dire que c'est la maladie. Et je tiens déjà à dire que la prochaine, c'est pas moi qui l'ai choisi. Donc voilà, on va passer à autre chose. Donc la review de la semaine. Et tout à l'heure, je disais que j'aimais pas Mark Millar. Et bah ça va continuer puisqu'on va vous parler de Civil War. Et bah qui c'est qui veut commencer à nous parler de Civil War? On peut commencer par le scénario. Hein. Allez. Ouais, bah, alors donc Civil War, qui est, donc on va vous parler de du premier Civil War. C'est une demi-actualité parce que Civil War numéro 2 est sorti aux États-Unis et va sortir en France dans pas très longtemps. Il est sorti la semaine dernière. Ah ben voilà, putain, plein dans l'actualité, c'est génial. Et ouais. Attention. Alors donc Civil War, c'est un crossover chez Marvel qui est sorti entre 2006 et 2007. Alors un crossover, on en a parlé ici, rapide définition. C'est une histoire qui va réunir des personnages, des groupes de personnages ou des séries qui ne se croisent pas forcément. C'est l'occasion de raconter quelque chose d'un petit peu plus grandiose, d'un petit peu plus épique. On va pas se mentir, c'est aussi une petite opération commerciale en général, pas dégueulasse. Pour les nouveaux lecteurs. Surtout. Voilà, ça permet de mettre un peu de hype sur des titres et des persos. On peut pointer du doigt d'ailleurs, en général, l'abus des grands éditeurs de ce genre d'histoire. Qui le font deux fois par an. Ouais, maintenant c'est devenu vraiment un truc de consommation avec les blockbusters. Bah là, Marvel, c'est quasiment constant. Hein. C'est quoi? J'ai l'impression que ça arrête jamais. Quoi. Bon, aux États-Unis en tout cas, en ce moment, c'est quasiment constant. Les événements se suivent les uns après les autres. Et à chaque fois, c'est toujours le même argument. C'est comme pour Civil War à l'époque, c'est-à-dire plus rien ne sera jamais pareil. Voilà, etc. Ça c'est l'argument de base. Oui, normalement c'est censé bouleverser tout le statu quo et au final. Plus ou moins, voilà. Ça dépend, c'est que les qualités sont très variables. Ces dernières années, on n'est quand même pas très très gâtés. Sur Civil War, il y avait vraiment des conséquences par contre. Voilà, Civil War. Ouais, ça dépend quand même. Hein. Ils ont fini. Il y a des persos qui sont morts et tout. Ouais, bah après ils reviennent. Oui, non, mais Spider-Man qui révèle son identité et ensuite ils ont annulé ça avec un. Ouais, ne parlons pas de voilà. Choses qui fâchent. Exactement. Donc en l'occurrence, c'est la baguette de Civil War à l'époque, Mark Millar. Alors Mark Millar, c'est quand même un grand nom du comics. Soit on aime, soit on déteste cordialement. Non, moi je déteste, vraiment voilà, je déteste. J'ai compris. Donc pour ceux qui connaissent pas forcément, peut-être ils connaissent ces comics qui sont sortis au cinéma. Il y en a pas mal. Il y a Kick-Ass, il y a Wanted, il y a Kingsman, Service Secret. Ouais. Il a fait aussi Nemesis en comics. Il a bossé sur Ozio, Authority, sur la ligne Ultimate chez Marvel. Enfin, il a quand même une belle carrière. C'est un petit malin, Mark Millar. Il s'est créé des liens avec le cinéma, il s'est créé une ligne éditoriale à lui, ouais, qui s'appelle en toute humilité Millar World. Le monde de Millar. Tout va bien, il a pas le melon. Mm-hmm. Et donc en l'occurrence, l'histoire de Civil War, c'est après quelques événements un petit peu tragiques qui s'est passé dans l'univers Marvel, dans certaines séries, le pays est un petit peu tendu et il y a un déclencheur avec le drame qui se passe dans une ville de Stanford où une équipe de super-héros de seconde zone qui s'appelle les New Warriors, qui font une émission de télé-réalité dont on est en train de filmer pendant qu'ils font des bonnes actions. C'est une équipe vraiment de seconde zone. Oui, ouais, c'est des 2000 losers. Oui, de seconde zone. C'est des... Et, sauf que là, ils s'attaquent à bien plus gros qu'eux. Ils s'attaquent à un groupe de super vilains pour faire de la hype devant les caméras, notamment à un gros méchant qui s'appelle Nitro, dont le pouvoir est de créer des explosions. Et au cours du combat, ce dernier, pour se défendre, vu qu'il est acculé, crée une explosion gigantesque juste à côté d'une école. Et il y a entre 800 et 900 morts, beaucoup d'enfants, et ce drame se répercute dans toute l'Amérique. Et c'est le déclencheur de ce qui devait arriver, c'est-à-dire que le gouvernement propose une loi de recensement des super-héros. Enfin, propose. Oui, impose plutôt. Ouais. On est dans une démocratie, il propose... Oh, ils vont mourir les deux. Au début, ils proposent, effectivement. Donc, la loi de recensement qui permet de contrôler tous ces super-héros et tous ces personnages. En fait, ils veulent donner une formation, donner un badge à tous les super-héros. Voilà, et un salaire. Et des vacances aussi. J'ai beaucoup aimé cette partie. RTT, ouais. Et que tout le monde révèle son identité secrète. Voilà. Et le but, c'est ça, c'est d'effectivement mettre une mainmise un peu sur tous ces méta-humains. Bien évidemment, la proposition divise totalement la communauté super-héroïque. Très rapidement, il y a deux têtes pensantes. D'un côté, Iron Man qui est pro-recensement, pro-gouvernement, de l'autre peut-être de manière un peu plus surprenante Captain America, et tout au long du comics qui dure 7 numéros, vous avez des alliances, des trahisons, des combats fratricides et ça finit quand même dans une conclusion assez épique et relativement bouleversante pour l'époque quand même. Il se passait quelque chose d'assez important autour du personnage de Captain America. Et il faut reconnaître qu'on est quand même assez loin, justement on en parlait en introduction, des clichés du crossover basique avec un gros méchant pas beau en général qui vient de l'espace, qui veut conquérir la planète et où tous les gentils de la planète se liguent pour y foutre sur la gueule. Là c'est un petit peu moins manichéen, c'est un petit peu plus perturbant parce que Millar pose la question justement de qui contrôle ces méta-humains. Il y a quand même un côté gentil, un côté méchant. J'en viens. Oui. Ah. Tu dis que c'est pas manichéen, c'est quand même un peu. J'en parle à la fin, regarde, c'est marqué là. Cela dit, c'est géré, je dirais pas forcément avec un peu plus de finesse, mais dans le cas d'Iron Man, oui, c'est sûr, quand j'ai lu Kick-Ass, ça m'a dégoûté de Millar à vie. Mais non, mais en fait, par exemple, si on prend le cas du camp. Pardon, si on prend le cas du camp Iron Man, Ant-Man et Mr. Fantastic, tous les trois sont normalement censés être des héros. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, on veut recenser les gens, créer un monde plus stable, où les gens sauront qui on est et auront confiance en nous, à une évolution absolument horrible où chacun des trois se rend compte qu'à la fin, ils ont donné l'autorisation à des super-vilains de se jeter sur leurs amis. Ils ont créé une prison qui ressemble à Guantanamo dans une autre dimension où les gens sont traités n'importe comment. Et en fait, ils sont devenus des véritables monstres, en fait, au point que leur vie sociale personnelle est totalement détruite parce qu'ils se reconnaissent plus eux-mêmes. Donc effectivement, c'est pas... Il y a un côté méchant chez ces personnages, mais c'est traité avec un peu plus de finesse parce que justement, il n'y a pas ce côté je suis méchant moi. Ils sont méchants, mais pour une bonne cause. Voilà. Bah, le principe, du moins, effectivement, au tout début de l'histoire, c'est ça. C'est-à-dire, c'était le credo quand le comic s'est sorti, c'était de quel côté vous êtes. Dans un premier temps, effectivement, ça peut s'entendre, surtout après le drame de Stanford et cette école qui est rasée. Il y a notamment quelques scènes assez bouleversantes aux funérailles des enfants et une mère de famille qui prend à partie Iron Man en l'accusant que c'est des gens comme lui qui vivent au-dessus des lois et qui n'en est de rang de la personne qui scène favorise. Qui était reprise honteusement dans le Captain America Civil War. Oui, voilà, effectivement, c'est écho au film de l'année dernière. Et ça reste quand même, encore une fois, comparé aux autres crossovers, une réflexion assez intéressante sur les conséquences. Bon crossover quand même. Oui, ouais, c'est les conséquences dans des actes de ces gens-là. Après tout, quand on lit du comics, il faut être honnête, il y a quand même des scènes de destruction massive assez régulières. Man of Steel, le film, était pointé du doigt à cause de ça. Des villes comme New York, Gotham City ou Metropolis doivent se faire attaquer environ toutes les deux semaines par ou des aliens ou le Joker ou n'importe qui ou dans la conclusion New York elle est complètement niquée. Enfin... Ouais, mais justement ça c'est un petit peu différent sur la conclusion finale. Effectivement. Le combat final se passe à New York mais la fin est un petit peu plus subtile. C'est que ça reste quand même dans la scénariquement parlant très réaliste parce qu'il y a pas mal de choses que l'on voit qu'on ne voit pas d'habitude qui sont justement tous les à côté, c'est-à-dire quand on lit du comics on voit du super-héros, là on voit le monde politique qui s'implique, on voit l'armée, on voit les journalistes aussi qui jouent un rôle important, il y a pas mal de scènes comme ça avec des coupures de presse et il y a vraiment tout ce lien entre super-héros et populations qui sont censées protéger qui n'est pas forcément dans les comics habituellement. Là on voit qu'il y a vraiment tous ces acteurs qui s'impliquent autour de la communauté des super-héros. C'est d'autant plus réaliste je trouve que Millar ancre bien son récit dans des thématiques assez concrètes. On parle de TV réalité, on parle de terrorisme, on parle d'une espèce de défiance des gens contre leurs élites, en l'occurrence les super-héros, mais bon, peut-être que politiquement parlant on peut faire deux trois parallèles, notamment des gens. Il y a une scène avec la torche humaine qui est un membre des camps fantastiques qui, juste après le drame, se permet de rentrer en boîte en passant devant tout le monde. Et là, la population craque parce qu'effectivement, c'est bon déjà qu'ils ont l'air d'être incontrôlables, ils se prennent pour ce qu'ils sont pas. Donc il y a vraiment toute une tension très, très, très, très intéressante et c'est vraiment assez, beaucoup plus réaliste que d'habitude. Et au cas où tout ça ne suffirait pas, effectivement, comme l'a dit Juni, les persos eux-mêmes sont assez perturbés. On a un Iron Man qui, effectivement, prend parti très vite, mais qui, en secret, semble presque regretter totalement ce qui va arriver parce qu'il voit ce qui va arriver. On a un Spider-Man qui est en mode naïf totalement, est dépassé par les événements et qui prend un choix. Juni l'a dit, il donne son identité à tout le monde, ce qui est peut-être pas très judicieux quand on a les pires ennemis de l'histoire. Oui, parce qu'il est complètement influencé par... du coup, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Captain America se retourne contre son gouvernement. Red Richards, effectivement, est complètement décalé et voit sa famille totalement exploser en plein vol. Hank Pym aussi, qui part dans des délires. Et effectivement, comme disait Juni et comme James aussi, effectivement, vers la fin, tous ces comportements un peu hardcore finissent par nous donner quand même 2-3 indices sur vers qui il faudrait pencher, parce que la fin ne justifie pas forcément les moyens. Et on est quand même loin de notre zone de confort, de manière générale. Même les combats, je trouvais, sont vraiment violents. On voit des scènes où les super-héros sont obligés de se faire soigner, où ils sont en convalescence, les costumes sont déchirés, les armures sont complètement défractées. On a vraiment parfois l'impression que c'est vraiment des hommes et des femmes qui se battent pour une idéologie. Donc d'un côté, le recensement, le contrôle, le gouvernement, le métier de fonctionnaire presque. Il y a 2-3 allusions assez drôles là-dessus. De l'autre côté, la liberté, le fait d'être un choix, d'être un super-héros ou pas, de ne pas se faire contrôler. Et effectivement, pendant un petit moment, on ne sait pas trop qui sont les bons, qui sont les méchants, même si voilà, ça reste du comics, ça reste Millar, qui effectivement n'est pas le mec le plus subtil de la galaxie. C'est Captain America qui est... Il faut suivre la volée. Oui, ouais, mais encore une fois, la Captain America, pour l'instant, il y a prend plutôt le contraire dans un premier temps. Et effectivement, bon, autant les deux premiers tiers sont vraiment très intéressants, autant sur la fin, on nous pousse un peu vers l'un des deux côtés. Et c'est effectivement peut-être considéré comme l'un des meilleurs crossovers depuis un bon moment. Ce qui, non, House of Fame quand même. House of Fame qui se passe juste avant, mais ça fait quelques années qu'on s'embête un petit peu. Alors moi je serais de ceux qui diraient qu'il y a eu quand même des conséquences pendant quelques temps sur Captain America, sur les Thunderbolts, sur pas mal de sur l'initiative, il y a pas mal de comics, l'univers qui est un petit peu changé. Il y a Norman Osborn qui arrive, ah non c'est ça après, ça, c'est Secret Invasion. Excusez-moi. Et par contre, effectivement, comme on disait en introduction, le comics c'est quand même l'immobilisme dans le mouvement, donc très très vite, hélas, ces conséquences ont été un peu écartées pour reprendre un statu quo un peu plus classique. Mais ça reste quand même, je pense, une histoire vraiment, vraiment moi, un truc intéressante. Qui m'avait plu aussi, c'est qu'il y a pas mal d'interactions avec entre super-héros, genre notamment, sans spoiler, il y a un moment, il y a Punisher qui arrive dans une des équipes. J'adore cette scène. Qui arrive dans une des équipes. Et le Punisher, ça reste quand même le dernier des enculés qui bute. Froidement tout le monde il bute des méchants, mais effectivement ça fait partie des réflexions qu'on peut avoir sur le Vigilante, notamment qu'on l'a autour de Batman très régulièrement, c'est-à-dire que le Punisher va tuer des méchants, mais effectivement il va les tuer d'une balle dans la tête, sans procès, sans rien. Et la scène est très drôle parce qu'effectivement il se fait escamper assez vite en disant mais toi t'es hardcore, casse-toi, on veut pas de toi. Mais il y a un moment, il arrive dans l'équipe, au moment où il est presque intégré dans l'équipe et tout en mode normal, et il arrive dans l'équipe et il y a deux nouveaux arrivants et il les bute direct. Ah mais non, c'était des assassins, c'était des méchants. Mais toi tu viens de faire quoi? C'est même tous les petits dialogues au début, à un moment ils sont tous dans le Baxter Building en train de discuter, et c'est marrant de voir, enfin on voit les X-Men qui sont dans leur délire de X-Men, qui essaient de gérer encore, enfin le fait d'être des super-héros et encore d'être des mutants, ce qui est font la Suisse. Ouais, ils font la Suisse. Ils font la Suisse parce qu'ils sont un peu enfermés dans cette époque-là. C'était post crossover House of M où la sorcière rouge avait éradiqué le gène mutant, donc ils se retrouvaient à moins de 200 entouré de sentinelles, ils se chiaient grosso modo dessus, donc effectivement ils ont fait la Suisse, pas nous, sauf Wolverine un petit peu. Ouais. Mais effectivement il y a pas mal de liens sociaux. Moi j'aime bien Millar pour ça, je trouve qu'il arrive bien. Ouais, c'est un bon dialoguiste quand même. C'est un bon dialogue. Moi ce qui me problème, il y est pas trop dans Civil War, mais c'est un mec qui va. Excusez-moi. C'est un mec qui va beaucoup dans la facilité et dans la provocation gratuite. Souvent. Pas trop. Dans qui casse. Non, pas dans Civil War, mais d'habitude. Oui. Là, il le fait pas trop, mais d'habitude, c'est quelqu'un qui est très comme ça. C'est pour ça que ça me pose problème. Mais merci. Ça, c'est une bonne idée de l'eau. C'est une très bonne idée, merci beaucoup. Du coup, ouais. Et est-ce que tu veux donner quand même un petit avis sur oui, le. Oui, et donc, j'étais censé parler du dessin, du coup. Ouais. Pardon. Et donc, et le Steve dessin McTiven, est fait par Steve McNiven. Weaven, pardon. J'arrive même plus à parler à cause de ma gorge. Qui donc est un Canadien qui a bossé sur. Là par exemple, on va dire d'actualité, il y a Old Man Logan qui a une bande dessinée sur Wolverine dans le futur où il est devenu vieux et. Par Mark Millar. Ouais. Voilà, par Mark Millar. Et voilà aussi. Justement, là c'est quand même vachement. Le prochain film Wolverine est basé sur cette bande dessinée. Oui. Et donc en fait, ce dessinateur, il est donc Canadien et il est surtout reconnaissable en fait parce qu'il a. Pendant la période dans laquelle est sorti Civil War, c'était le dessinateur attitré de tout ce qui était produits promotionnels, que ce soit affiches, les couvertures, etc., et tout ce qui était toute grosse bande dessinée, donc Old Man Logan ou Civil War, parce qu'il avait il a un trait et un dessin qui est extrêmement réaliste et qui est extrêmement reconnaissable aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu iconique à cette période parce que c'était un peu la phase de Marvel, la manière dont il dessinait les muscles, les visages, les scènes d'action en particulier. Mais après, c'est aussi au niveau des détails, en particulier de ce que j'ai vu dans Civil War, de sa manière de découper, etc. C'est surtout dans les cadrages, la manière dont il va décider de placer la caméra. Par exemple, on a le cas de Susan Storm, la femme de Mr. Fantastic, qui à un moment a une dispute avec son mari, ce qui arrive très très très souvent parce que le mari il s'occupe jamais de sa femme, il s'occupe jamais de sa famille, il est tout le temps en train de bosser. Et le cadrage est sublime parce que son frère vient de se faire taper dessus, comme tu disais, la torche humaine, il est à l'hôpital, et tout ce que le Monsieur Fantastic trouve à dire, c'est tu lui diras bonjour de ma part ou quelque chose dans le genre. Et le cadrage, c'est lui en train de regarder sa machine et sa femme de dos qui s'en va avec un fond noir. Et il y a plein de petits cadrages subtils comme ça où il donne des informations supplémentaires sur les relations entre les personnages. Et ça entre bien en complémentarité avec ce que Mark Millar fait dans ses scénarios, c'est-à-dire que autant je trouve que Civil War niveau histoire le gros du truc est assez difficile parce que le concept est bon, le problème c'est que c'est rempli, à mon sens en tout cas, de situations où on va faire en sorte que les personnages soient un peu trop bourrins pour justifier qu'ils se tapent dessus. Mais tout ce qui est petits détails de comportement, de personnalité, Captain America qui à un moment dit que plutôt que de se faire pourchasser par la police, il aurait préféré être avec un enfant qui a le cancer et qui était censé jouer au football avec lui. Et donc le dessin en fait en tant en complémentarité avec toutes ces petites choses, c'est-à-dire les petites pointes de personnalité des personnages, comment ils interagissent entre eux. Donc même si l'histoire est un peu bourrine, ça vaut le coup d'être lu pour les cadrages, pour son sens du dessin et pour le style, parce que c'est juste génial en fait. Ok, donc vous l'aurez compris, c'est un event qu'on vous conseille. C'est quand même du bon spectacle, c'est pas trop bête. Je pense qu'il faut avoir lu un peu de Marvel pour vraiment connaître tous les personnages un petit peu quand même. Ouais, mais après les thématiques sont quand même assez classiques, voilà, le contrôle, les métahumains, les dégâts, ce genre de choses, on peut s'y retrouver assez facilement. C'est pas comme les derniers où effectivement il y a Infinity, je crois que j'ai lu il y a pas très longtemps, sinon ouais, tu comprends pas la moitié. Mais ne pas lire que celle-là, parce que l'un des gros soucis que j'ai eu avec cette histoire, c'est qu'on a l'impression que c'est un texte à trous. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau chapitre, on va vous dire, on va vous dire tel personnage a changé d'allégeance, tel personnage est maintenant en prison. Il y a beaucoup de tie-in et beaucoup, enfin il y a beaucoup voilà, d'histoires à côté. Voilà, et c'est ça le truc, c'est que du coup il faut lire un peu tout ce qu'il y a autour, parce que sinon on a l'impression de lire une histoire où il manque des éléments, et chaque fois qu'il y a un élément mais important qui s'est produit. Mais les tie-in à côté sont pas forcément de la même qualité. Ça c'est la grande difficulté effectivement, ouais. Quand les tie-in c'est des histoires parallèles qui se déroulent dans les différentes séries. Il manque un peu de temps, donc il faut faire un peu de choix. On va passer à la deuxième pause musicale, et c'est toi qui l'as choisi, donc oui, vas-y, assume ton choix. C'est Dance Apocalyptique de Janelle Monáe. Voilà. We have locusts in Detroit. There's an earthquake in my... And I just got word that there are zombies in Atlanta! Yeah. chicken tastes like pork. You have triplets instead of twins. Does your food taste plastic? Granddaddy, I think I want to dance. Et c'était, je sais plus, j'ai oublié, excuse-moi. Dance Apocalyptique de Janelle Monáe. Vous êtes toujours sur Comics Discovery, sur le 102.2 Radio Campus Montpellier, et on vous parle toujours de comics, et on va passer à nos attentes et à nos coups de cœur du moment. T'en avais une, Mathieu, je crois. Oui. Comme à chaque fois, t'as cherché au dernier moment. Non, absolument pas, c'est préparé depuis un bon moment. Exactement. Aussi, ouais, petit coup de cœur, parce que j'en attendais pas grand-chose du tout. C'est Lucifer, alors en double format, la série télé, que j'ai commencé il y a pas très longtemps. Alors moi j'ai battu le pilote et rien que le pilote ça m'a suffi. Ouais, ça passe sur 13ème rue, je me suis laissé tenter. En fait, c'est basé sur un comics de Mike Carey et Peter Gross qui est dû sortir dans les années 2000, qui était dans l'univers du fameux Sandman de Neil Gaiman. Ouais. Et du coup, bon, le comics n'a pas trop de rapport avec la série parce que c'est pas du tout un buddy cop, alors que dans la série oui. Et finalement, j'ai boycotté d'entrée de jeu parce que j'avais peur que ça soit vraiment très très loin de ce que j'aimais. Et finalement, faut reconnaître que c'est Tom Ellis, l'acteur, s'en sort pas si mal que ça. Ah ouais. Oui, alors il est beaucoup moins machiavélique, un peu plus séducteur, un petit peu plus androgyne, un petit peu plus envie de s'éclater que d'avoir des plans pour arnaquer Dieu, les archanges, l'enfer et tout le reste. Pour l'instant, c'est relativement plaisant, j'avoue. Et ça va de pair avec la sortie d'un nouveau comics Lucifer, qui n'est pas encore arrivé en France, je pense. Du coup, dans le même label que le premier comics des années 2000. Mmh. Et ça fait une suite quasi directe à ce comics-là. Alors, autant pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est pas forcément simple. Autant pour moi qui ai vraiment aimé la première œuvre, on retrouve les personnages, on retrouve un petit peu l'ambiance. C'est peut-être un petit peu moins bon, mais ça fait un petit bol de nostalgie, pas dégueulasse. Et pour l'instant, c'est plutôt cool. Ok. Johnny, tu voulais nous parler de quoi ? Alors, j'ai. comment dire ? Il y a forcément pas mal de gens, je suppose, qui doivent connaître la série Justice League, le dessin animé qui passait dans les années 2000, on va dire oui. Début 2000, qui était la suite de Batman la série animée, Superman la série animée, etc. On en parlera sûrement la semaine prochaine, puisque ouais. Sans vous spoiler, on va vous parler de Flash. Voilà, et donc il y a forcément beaucoup de gens qui connaissent cette série et que cette série a marqué pas mal de gens. Et donc maintenant il y en a une nouvelle qui s'appelle Justice League Action, Action. Et le principe en fait c'est qu'ils ont repris donc les personnages de l'univers DC. Et à chaque fois c'est un épisode de 10 minutes et une aventure. Et c'est comme le titre l'indique, c'est très orienté action. Donc il y a très souvent c'est un méchant qui arrive et les super-héros qui doivent trouver une solution pour s'en débarrasser. Okay. Et c'est surtout très fun en fait, ça se prend pas la tête. La seule recommandation que je donnerais aux gens, c'est de pas s'attendre à des scénarios aussi fouillés et à des personnages aussi détaillés que dans la série d'origine. Effectivement. Parce que forcément, le format étant ce qu'il est, en 10 minutes, ils n'ont pas le temps de faire des grosses histoires. Mais c'est fun. C'est étonnant en plus. Voilà, en plus. Et là, c'est vraiment une série avec des petits épisodes à regarder quand on a 10 minutes à perdre. Comme tu m'en parles, ça me fait penser, je sais pas si tu te souviens de l'animé Batman, la lance des héros. Oui. Qui est un peu dans le même délire. Voilà, en fait. C'est un peu ça. C'est un peu moins loufoque. Ouais. Et c'est beaucoup plus orienté action pour le coup, mais c'est super, franchement c'est super. Bon, pour l'instant, okay. La VF est pas encore sortie, donc il va falloir trouver des versions sous-titrées dans la langue de votre choix. Mais de ce que j'en ai vu pour l'instant, je crois qu'il y a 16 épisodes pour l'instant seulement, ouais. Et c'est cool. Et c'est vraiment diversifié niveau personnages, c'est pas toujours les mêmes. Bon, il y en a toujours Batman et Superman et Wonder Woman qui reviennent un peu souvent. Ah bah la Trinité. Voilà, surtout Batman, ce qui est pas une surprise en soi, mais il y a aussi des personnages comme certains que je connaissais pas. Il y a un chauffeur de taxi dans l'espace. Ah bah c'est cool. Il y a Lobo qui revient plusieurs fois. Il y a les persos de DC qui sont complètement... Voilà. Est-ce que tu connais le prince du condiment ? Non. C'est un méchant qui se bat avec du ketchup et de la mayonnaise. Oh boy. Et voilà. Il est dans la série la Batman Alliance Zero à un moment. Ok, et donc voilà, donc format simple mais surtout fun, c'est le genre de truc à regarder pendant qu'on mange par exemple. Et okay. C'est très très cool. Mais je regarderai. Même si j'attends plus la saison 3 de Young Justice. avec beaucoup de fébrilité. Moi, je vais vous parler d'un autre truc. Et si je vous dis que le film le plus poétique de 2016, c'est un film où Daniel Radcliffe joue un cadavre qui, en pétant, peut se transformer en jet ski. comme ça vous direz mais c'est complètement con, d'où ça sort, mais en fait c'est Swiss Army Man, donc c'est l'histoire d'un personnage joué par Paul Dano qui s'est échoué sur une île déserte et qui en peut plus, donc il va se suicider, et au moment où il se suicide il voit que la mer apporte un cadavre, et en fait il va voir le cadavre et en fait il arrive à faire des trucs avec ce cadavre complètement débile, genre à un moment il lui met des trucs dans la bouche, ça fait un grappin, et où c'est le film le plus poétique. J'ai regardé ça en disant, il y a tout le monde qui dit ouais regarde ça c'est trop bien, et j'ai regardé en me disant bah, je regarde ça va être con, et à la fin je pleurais toutes les larmes de mon corps, j'étais en PLS devant mon ordinateur, ouais. tellement ce film est génial. Mathieu a l'air dubitatif. Non est-ce qu'il y a des X-Wing dans ton film? Meilleur buddy movie que j'ai jamais vu de ma vie, parce qu'au final en fait le cadavre peut parler, enfin voilà, donc je confirme c'est vraiment génial. Bon après c'est le côté loufoque, en fait c'est un peu du sucre sur le gâteau, c'est-à-dire le gros accent est surtout sur le fait que c'est Paul Dano qui joue un personnage qui est seul depuis un bon moment, qui est déprimé au début du film, comme il disait, il veut se suicider, et ce cadavre arrive et ce cadavre va devenir son meilleur ami. Et il y avait une description qui était assez bonne, c'est-à-dire c'est une critique de je ne sais plus très bien qui sur internet qui disait au début il y a un cadavre qui pète et à la fin vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps, et c'est exactement ce qui lui est arrivé. C'est ça, exactement. Et justement on va finir cette émission avec un, parce qu'en plus la musique de ce truc est génial, c'est tout par le en fait le cadavre fait des bruits avec sa bouche et tout, et du coup ça fait la musique du film et c'est génial, et on va finir avec un morceau tiré de cette BO. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que je ne serai plus malade, j'espère qu'il y aura failli, on aura des invités. Je ne vous dis pas pour l'instant. Parlera de Flash. Et vous pouvez nous retrouver, Comics Discovery, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien d'autre. Voilà. Bonne année. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur comicsdiscovery.fr, en replay, tout ça. Donc voilà. Allez. Bye. Ciao. Such a commitment for being alone. In trust, nothing but in trust. I think I lost it forever ago. Thank you.